you and I, forever and a day. Love will not die, we'll keep it that way. Up among the stars we'll find a harmony, and I do a lovely tune. East of the sun, Sharuga, my west of the moon. The moon, shovel it on the day. Et en définitive, toutes les études qu'on fait démontrent que les gens aiment la publicité. Vous avez choisi TSF Jazz. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron ? Bon ben... On est dans les choux, c'est ça ? Ah, dans le chou-fleur, oui. Je suis chez Lidl. Et aujourd'hui et demain, le chou-fleur est à 1,19€ la pièce. Non ! Ah si patron, 1,19€ la pièce. Et origine France en plus, hein. Ah, le chou-fleur à ce prix-là, patron, on a du souci à se faire. Et ça te fait rire ? Des soucis, c'est toi qui vas en avoir si tu continues. Oh, pardon patron, hein. Mais 1,19€, on est mal. T'as arrêté ? Ah oui, oui, mais là, on est très mal, hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Prenez le temps. Évadez-vous en jazz. Soufflez. Vous êtes sur TSF Jazz. La seule radio 100% jazz. What a day this has been, what a rare mood I'm in. Why, it's almost like being in love. There's a smile on my face for the whole human race. Why, it's almost like being in love. All the music of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I would swear I was falling, swear I was falling. Why, it's almost like being in love. Of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I would swear I was falling, swear I was falling. Why, it's almost like being in love. TSF Jazz à Orléans 106.7. Thank you. TSF Jazz. La seule radio 100% jazz. TSF Jazz. Tout le jazz 24 heures sur 24. TSF Jazz, à Poitiers, 96.6. Thank you.